Je me suis perdu, je ne sais pas où aller, ni quoi faire non plus. Je ne suis pas déçu, je ne peux rien regretter, ce que je voulais, je l'ai eu. Je me suis perdu, je ne sais pas où regarder, ni quoi rêver non plus. Je ne suis pas déçu, je ne peux rien regretter, ce que les autres ont, je l'ai eu. Alors à quoi penser pour me faire oublier ce que j'ai perdu? Parce que de mon côté, j'ai assez attendu, et maintenant je sais que le temps est passé pour nous deux nous amuser. On pouvait continuer, mais je ne voulais pas me tromper. Je serais malheureux. Maintenant, c'est que je veux défaire ce danger en lui. Je me suis perdu quelque part, je le voulais. Je ne suis pas déçu, tout est blanc, je le savais, mais je suis bien accompagné. C'est une réelle chance d'avoir ton compris, mais c'était difficile aussi. Dorénavant, je le sais, je ne veux plus qu'être heureux. Peux-tu m'aimer aussi? Tout le temps était passé. Je voulais toujours être mieux, je te remets de ça. Nous devons nous aider tous les deux pour être heureux. Et ne jamais oublier où chacun est arrivé. Je me suis perdu, je ne sais pas où aller. Parfois je me sens triste. Je ne suis pas déçu, je ne veux rien regretter. Parfois je suis heureux. Au dehors c'est la vie, j'y regarde avec envie. Je ne doute pas. Quand c'est de moi qu'il s'agit, que je fais ce dont j'ai envie, cela ne regarde que moi. Où allez-vous y arriver? Qui vous regarde? Je crois que le plus important est de se faire aimer. Je vais faire ce que je peux avec toi pour être heureux. Et sans rien regretter de ce que